Les gens urbains. C'est pour les mecs demain. Massif, tout comme les mecs des autres quartiers, mènent le même combat. On voit des armes et de la rambla dans les halls, ça sent la piste. Les voitures crament comme un feu d'artifice. Trop de galériens tout le temps, les dimpidos. Les traites n'hésitent pas à te faire un gosse dans le dos. La France a ciblé ma communauté. Mes frères rêvent la crever, auquel implore leur pitié. Ça sent la patate comme un coup d'état. Car nos cités sont maudites et veulent niquer l'état. Appelle-moi Combo, soldat du ghetto, oiseau, maudit, pali, stigma, dream team, support, zip, pseudonyme, c'est la firme du crime. Moi, je représente mes racines, nos victimes, déférés au poids et un manque d'oseille engagé. Plus de sommeil, lève tôt pour braquer, prisonnier du ghetto, embarqué, chaîne aux pieds, impossible de freiner la fierté d'un guerrier assoiffé, vengeance guidée par mon destin, la délinquance en pleine dans l'alcool, dans les intestins, sur les inspecteurs, insomnes. Pour les dealers de ceux qui salissent en main, ceux qui se confondent juste avec un singer. Dédicace les vrais qui défoncent les R, c'est l'ombrage. Au père, tu se butes, pas la vraie, saccager la France. Mes petits frères, au père, les nerfs à vivre sur le périph', chérif. Zip, zip, zip, zip, zip, what? En France ou pas, on veut tous du blé. C'est pas notre bled à la base. On est là pour saccager Versailles, pire que Beauvais. Donc José m'infiltre avec ma zone. Un parrain des Bayonne, préfet, procureur, ministre. Rien à foutre, j'mets tout le monde dans le même sac. Marre de voir le rideau tomber, des pulsions. Meurtrière à chaque résidentiel. Pour mon peuple, j'ouvre les vannes, appelle-nous. Méprise à Mouragaï, mais à l'Ichel. Sur un truc, c'est lui comme Mouguet, Pramérine. Comme un putain d'enflamme, ennemi, laisse faire. Balistiques sont lourds, ferme ta gueule et savoure la main de fer. Allergique au velours, quand t'es toujours criminel. T'aspect, je reste fidèle aux cuirasses, lérical, efficace, face au flot. Ceux d'en face me haïssent, c'est combo. Joue pas inspecteur, collabo. Zip, zip, zip, zip, what? Donc ils sont rares, soit. Hey, what? Zip, zip, zip, zip, zip, c'est ma fée, on s'assied. Tous les quartiers de libre. Zip, zip, zip, zip, what? On pèse les porcs. Hey moi. Zip zip zip zop zip zop. C'est ma fée, on s'en fout. Tous les quartiers libres. Si tu niques l'état, lève ton troisième doigt. Hey moi. Si t'es cash, mets ta main le doigt dans l'arma. Chez nous on nique l'état. Royal. Et à vie on est entière louche. Ici on pèse le taureau. Nique sa mère la feria. Laisse les faire la fête à l'heure où je vais vider leur baraque. Ici y'a pas droit. Prends la bague à 4 pattes. 3-0-900. Tout le monde en blanc dans mon monde. Que des martyrs. L'ennemi l'état. L'objectif c'est de détruire. Servir mon quartier. Honorer mon clan. C'est les gens d'urbaine. Pour les salopes c'est trop corsé. Sauvage. Pose des couplets carnage. Pour les frères enfermés. Enterrés. Trop de rage. Pour mon frère parti. Proto-radoine. La LRMO au passage. Une pensée à l'unité. Léchage, léchage, léchage. Zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip,